C'est fou 89.1. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca. Bonjour, bienvenue à la portion top 5 des palmarès C'est fou pour la semaine du 9 au 15 octobre 2017. Elle est Tania Baudin. Et Mathieu Plante. Et le son est fort, on aime ça, de la musique forte dans nos oreilles. Et là, ouais, tout à fait. C'est l'heure du dîner, oui. Sachons-le. Pour ceux qui ne savent pas encore, ben, il est midi, donc en théorie, c'est l'heure de manger. Donc, on vous accompagne pendant que vous mâchez. C'est ça, mais c'est pas une raison de mettre la musique au bout dans non, vos oreilles. On se calme. Prenez soin de vos oreilles si vous voulez pouvoir écouter C'est fou toute la journée. S'il vous plaît. S'il vous plaît, chers animateurs de C'est fou. aujourd'hui, dans la portion top 5, on va voir les positions 5 à 1. Donc, d'ici la fin de l'heure, on va savoir si le numéro 1 anglophone est toujours... En fait, on sait déjà que ce n'est plus Steven Wilson avec Permanating qui est rendu en 6e place. Et du côté francophone, on va essayer de savoir si c'est toujours Paupières pour une 2e, 3e semaine de suite avec Défunte Lune de Miel. On se rappelle, la semaine dernière, ils étaient premiers. La semaine d'avant, ils étaient premiers. Ouais. Qu'est-ce que c'en est devenu, tout ça? Caroline, hein? C'est rempli de suspense, l'émission d'aujourd'hui. C'est fou. Si vous restez jusqu'à la fin, on devrait avoir une petite chronique huile de palmarès. Oui. Mix anglo-franco aujourd'hui. En effet. Génial. C'est plus tard, mais pour l'instant, en 5e place anglophone, Teen Anger avec Fun Forgot qui monte de la 9e place. Et du côté francophone, eh bien, on savait écouter aussi la 5e position, mais elle a descendu de la 3e place depuis la semaine dernière. C'est Coup d'épée de Corridor. Tout de suite au palmarès, c'est fou. Au 89 FM. Oh oui. nothing like this before. Looking at the summer. We'll be right back. solennelle. Recherche une étincelle. Des ampoules, des lampadaires. Coming. C'était Cheap Trick qui a imposé le numéro 4 anglophone, ça monte de 4 places. Et du côté francophone, eh bien, vous l'aurez deviné. Eh bien, oui, notre top 1 n'est plus paupières parce qu'il se retrouve à la 4e place avec Defunct, Lune de miel. On a envie des émotions. Hein. Oui, oui, tout à fait. Avant ça, en cinquième place anglophone, c'était Teen Anger avec Fun Forgot. Eux aussi, hein, des émotions, là, ils ont la colère. Mais ils montent quand même de la neuvième, donc c'est bon pour eux. Donc, en effet. Ouais. Et du côté francophone, on a commencé tout ça avec Corridor et Coup d'épée. Ah, eux, c'est de la violence, je c'est pense. C'est ça, c'est pareil. C'est pas très gentil, ça, non, Coup d'épée. Non. Tout de suite, on passe à nos positions numéro 3. En anglophone, il y a Band Sinister. Ça fait Halloween comme nom de band, je trouve. C'est Move a Little Slower qui monte de 3 places. Du côté francophone, eh bien, on a monté de 17 positions depuis la semaine dernière. Wow. Voici Pony avec Phoenix. Au palmarès, c'est fou! Pony! Mon petit pony! Un petit pony! Side. And I wonder when my feelings won't give up and hide. You got up in these fast times and I feel left behind. If only I could speak my heart, I'd say what's on my mind. Cause if it is your plan, does it make me less a man? What's left? fin triste, s'il vous plaît. Petite fin triste. Caught up in these fast times and I feel left behind. Oh. If only I could speak my heart, say what's on my mind. Hey, le début et la fin, là, c'est comme une parenthèse de tristesse dans une chanson vraiment entraînante. C'est fou. On va entendre Band of Sinister avec Move a Little Slower, qui est la position numéro 3. Ça monte de 3 places sur l'album The Other Way EP. Et avant ça, on a entendu Pony avec Phoenix en 3e francophone, qui est monté quand même de 17 positions depuis la semaine dernière. Impressionnant. Assez impressionnant, merci. Après les prochaines, les deuxièmes, on va voir Huile de Palmarès. Qu'est-ce qui s'en vient tantôt dans ton petit segment musical, Tania? Vous allez voir, je vous ai fait un petit, je voulais dire un petit spécial bilan. Mais en fait, selon le temps qu'on va avoir, ça dépend. Mais il va avoir une chanson en français. Oh. Vous inquiétez pas. Cool. On la connaît bien, cette artiste. Oui. On l'adore. On a beaucoup d'espoir. La barre est haute parce qu'on exactement. L'aime beaucoup. Exactement. Ouais. Je vous mets le suspense jusqu'à temps qu'on arrive à la chronique L'huile de palme. Essayez de deviner c'est qui. OK. C'est après le prochain bloc. Exactement. Donc, les deuxièmes places en anglophone, Woolworm avec Deserve to Die qui monte de 3 places. Et du côté francophone, eh bien, on monte de la 19e position. C'est Octoplot avec Héros ou Ennemi. On parlera, c'est fou! Au 89 FM! Ouais. Bon appétit! Héros ou ennemis, Deserve to Die qu'on dédie au guichet automatique du pavillon des Rébauchemins. Exactement. Qui semble être décédé. En tout cas, ça sonne comme s'il y avait eu une crise cardiaque pendant tout le matin. Ouais, ça fait... Hey, on était sur la note. Ouais, c'est ouais, la même note, vraiment. Exactement. Bref, on lui souhaite une belle vie dans l'au-delà. Mm-hmm. Et on espère que son frère va vivre une belle vie pour lui. Tout à fait. Par procuration. Il va soit être un héros ou un ennemi. Ah, wow, le lien. Comme la deuxième position. Incroyable. Francophone. C'est inacceptable autant de... Octobot. C'est tellement bien dit. Ah, je sais, hein. On dirait que c'est écrit, genre. C'est merveilleux. Ouais. J'adore ça. Ah, il reste seulement les numéros 1 à entendre. Oui. Mais avant de passer au numéro 1, on va faire ça à la toute fin de l'heure. C'est le moment de passer à ta chronique musicale, celle qui s'appelle Huile de palmarès. Oh, oh, hey, elle donne l'attitude avec des claquements de doigts. Ouais, j'aime ça, cette tonne. C'est pas pire, quand même. Ouais, ouais, ouais, ouais, c'est très bon. Bref, Huile de palmarès, tu nous fais découvrir de la musique. Oui, tout à fait. J'ai fouillé un petit peu de fond en comble, encore une fois, mon Spotify. Mm-hmm. Je vous ai trouvé mes pièces favorites de cette semaine. Et je me suis dit, pourquoi pas commencer ça avec un petit peu d'anglo. Ne vous inquiétez pas, il va y avoir du francophone tout à l'heure. Rappelez-vous, je vous ai demandé qui ça va être. Oui, c'est vrai, on disait que c'était quelqu'un qu'on aimait beaucoup, que la barre était haute, c'était une de nos préférées, et on voulait savoir ce que vous en pensez. Tout à fait, exactement. Est-ce que c'est Martine Sinclair? Non, déjà. Je ne croirais pas. C'est une réponse, non. Non, je suis désolée, mais pensez-y, okay. Réfléchissez-y. On a le temps, réfléchissez-y. Mm-hmm. Exactement, je vais l'avoir. Et pendant ça-là, nous, on va aller écouter Gita avec Mindfuck. Ah, c'est le groupe Mindfuck, ça? Non, c'est la tune Mindfuck de Gita. Ah. C'est Huile de palmarès. Au 89 FM. I get way too attached. My friends say I get way too attached. I fall in deep and leave just as fast. Think I need a little smoke cause I need to relax. I need to relax, yeah. One day I love you and then I don't. Sometimes I love you, I think I love you. You know I'm such a mindfuck. Can't ever make my mind up with you. You know I'm such a mindfuck. But I can't get my mind off you. Then go away, yeah, yeah. As soon as you know me, I'm likely to change. I'm predictable, that's why you stay. That's why you stay. One day I love you, and then I don't. Sometimes I love you, I think I love you. You know I'm such a mindfuck. We'll be right back. Angus et Julia Stone, un duo australien que j'ai découvert sur Spotify et dont j'adore les chansons. Mm-hmm. Ceci, c'était Château et avant ça, vous avez entendu Gila avec Mindfuck. C'est une très bonne chanson aussi. Ça se qualifie un petit peu sur Spotify de indie, mais c'est plus indie, pop. Ouais. Et j'ai quasiment le goût de dire un petit peu de mainstream là-dedans. Oui. Je trouvais que ça ressemblait un petit peu à du Ariana Grande. Je trouve que sa voix lui ressemble, oui, en effet. Peut-être un petit peu, j'y avais pas porté attention, mais maintenant que tu le dis, c'est vrai qu'il y a des sonorités semblables dans tout ça. Des twists, là, comme elle, ouais. Exactement. Il nous en reste une. Oui, il nous en reste une. C'est la francophone, je vous l'offre. C'est une artiste qu'on adore ici, assez fou. C'est la nouvelle de la bronze. Oh! C'est On danse par Anda. J'ai hâte d'entendre ça, hein? On va commenter après. Oui, on commente après. OK. Vous êtes dans les palmarès. Aimé dans un bain de sang, tu nous as léché avec tes crocs coupants. Tu voulais me sombrer avec toi, mais je dansais avec Dieu déjà. Tu t'es qui voulait me faire des robes de témoins. Au fond, je savais qu'elle ne me garderait pas au chaud. C'était la bronze avec danser par en dedans. J'aime bien quand même. C'est vrai que c'est sombre un petit peu. C'est différent, on dirait, un petit peu de ce qu'on connaît de la bronze, de ses textes. Ouais. On connaît la bronze pour être quand même pétillante dans ses textes. Entraînante. Up-tempo. Et aussi, j'aurais quasiment le goût de dire heureuse. Ouais. C'est des paroles qui semblent un petit peu plus dark que ce qu'on connaît d'habitude, mais ça s'écoute à merveille. C'est bon, c'est dit la bronze, on aime ça. Et voilà, exact. Trois pièces géniales qu'on a entendues dans Huile de palmarès, et on fait ça dans la portion top 5 des palmarès. Des fois, la portion top 2, ça dépend. Oui, ça dépend. Merci, Tania. Ça fait plaisir. Il nous reste seulement les nouvelles premières positions. Oui, parce qu'on a dit qu'en anglophone, la première position est rendue en 6e. Steven Wilson avec Permanating sur l'album To The Bone. Et du côté francophone, eh bien, la première était rendue en 4e place. Alors, on a un nouveau top 1 la semaine dernière, 13e position. C'est la Mystification de Nicolet. Et c'est celle qui commence comme si on était dans la jungle. Oui, c'est celle-là. Ah, c'est les palmarès, c'est fou. Au 89.5. Hakuna Matata. Je veux un point de nuit. première position. Gogol Bordello est le numéro 1 anglophone, Saboteur Blues, sur l'album Seeking and Finders, qui monte d'une place. Pendant que du côté francophone, eh bien, ça montait de la 13e avec Nicolet et la Mystification. Voilà, c'est là-dessus qu'on se termine ça pour les Palmarès Fou édition Top 5. On se retrouve du lundi au jeudi entre midi et 13h, édition week-end, les samedis à partir de midi. Merci Tania Baudin. Merci à toi Mathieu Plante. Sif.ca, assemblagerequis.com. Oui. Bon appétit. Bon appétit. C'est ça. Bon café. Hein? Oui. Un petit café d'après-midi. Pourquoi pas? Ça fait de mal à personne. Non, peut-être ta digestion un peu, par contre. Peut-être. Prenez un petit thé à la place. À bientôt. Bye tout le monde.